Stup. Oui. T'as retrouvé le générique du Roi Lion? Non, pourquoi tu veux faire de nouveaux adieux? Non, boire, comme ça. T'es sûr que t'es bien dans le rôle de dictateur, en fait? Bah, écoute, quand t'étais là, tu préparais les émissions, tu choisissais une côte, tu préparais le calendrier. Perso, j'ai tout délégué. C'est bien ça le rôle de dictateur, non? Ouais, tu sais, je voudrais pas avoir l'air d'un vieux con, mais franchement, c'était quand même mieux avant. On trouvera jamais mieux que moi. Non, non, bien sûr, bien sûr. Je t'ai dit que je suis en train de lire un traité de manipulation. Ne jamais contrarier un vieux dictateur. Moi aussi, non, ça va? Dictateur, c'est sympa à un moment, non? Enfin, je sais pas, c'est chiant l'opérationnel. Bon, ok, j'arrête mes tentatives sournoises. Allons droit au but. Je m'emmerde. C'est vrai, dictateur déchu, c'est sympa, mais déchoir à plusieurs, ça doit être vachement plus rigolo. Rejoins les rangs, camarade. On a du cassoulet. C'est encore de nouvelles responsabilités. Bon, ça consiste en quoi? Ça veut dire qu'il faut que je dise que c'était mieux avant, que je râle sur tout le monde? Ouais, c'est ça. Tu te rappelles les petits vieux du Muppet Show? Bah, c'est tout simple, c'est exactement la même chose. Tu t'installes au balcon et tu râles contre les jeunes. Ah, donc je fais comme maintenant, sauf que c'est ma responsabilité officielle. C'est ça. C'est ça qui est bien avec toi. Tu comprends vite. Ok, mais du coup, il faut un dictateur sur qui taper, non? Ouais, mais bon, attends, dictateur, on va quand même pas voter. Personne n'a osé râler. Il est passé 16 heures. Faut qu'on trouve une autre stratégie. Voyons qui est dispo. Bon, Julie, on a trop besoin d'elle pour faire des trucs sérieux, enfin faire avancer le podcast, quoi. Ouais, non, tout à fait d'accord. Julie, elle est trop bien pour le poste. On a qui d'autre? On a Robin, mais il n'est pas encore au courant qu'on enregistre et diffuse ces discussions délirantes. Personne ne lui a dit. C'est un peu salaud quand même. Bah, j'ai essayé, je lui ai dit qu'on faisait un podcast diffusé en live sur iTunes via un flux RSS, mais il s'est endormi. Bon, je suis pas sûr que tu comprennes tout non plus parfois. Mais bon, on a qui d'autre? Oh, Pierre, je mets mon veto, hein. J'ai la nausée à chacun de ces dossiers. Et Billy, c'est pas beaucoup mieux. En plus, ça va te faire redevenir hétéro. Ah, t'es vache. Hein. Non, ils sont bien, les biologistes. T'étais pas un peu trop matheux, non? On sent un peu le parti pris. Bah tiens, en parlant de biologiste, on a Irène. Ah, j'ai quelques doutes sur ses capacités à diriger entre trois accidents d'enfants, quatre microscopes à installer sur l'île de Pâques. Et bon, faire que le podcast soit officiellement situé à Santa Barbara, comment dire, ça fait un peu années 80. Hein. Santa Barbara, tu ne sais pas pourquoi Ah ben bravo. garde ça, Non mais sérieux, on a vraiment personne. Pascal, l'informaticien. Bon ok, c'était pour rire, je retire ce que j'ai dit. Non, j'ai rien dit, je regrette déjà. On peut revenir en arrière? Que penses-tu de Samuel? Sam, le community manager? On deviendrait un podcast de John se diffuser via Facebook, on se prendrait une notif à chaque fois qu'il pense à nous. Non, mon rôle de vieux con, c'est de dire niet. Tu vois, on s'habitue très vite. Ah merde, en fait, on a personne. Ah, mais Pouillot, le dessinateur. Ah non. Non, mauvaise idée, il va chanter le boson tout le temps à la place de dessiner. Ouais, et puis on est toujours un podcast audio, non? Ouais, c'est quand même con. J'ai vaguement l'impression qu'on oublie un petit jeune, là, mais pour moi, ils ont un peu tous la même tête. On n'a vraiment plus personne? Tu parles du passionné de déchets balancé à travers le système solaire? Ah oui, c'est ça, c'est ça. Carassou. Oh non, tu veux vraiment qu'il fasse du podcast le mot qu'on doit pas prononcer là? Ah ouais, non, c'est juste, ça risque d'être compliqué. Non, puis c'est pas Carassou d'ailleurs. Non, mais sérieux, on n'a pas un autre jeune là qui s'intéresse à l'espace? Mazo. Jeune, jaune, jaune. Johan. Ah oui, celui que j'ai forcé à faire venir faire un dossier en lui faisant croire que j'avais écouté sa présentation de thèse. Bah, je vois qu'il y rentre déjà. Tu te rappelles comment je t'ai recruté? Bon, on fait chier les jeunes avec nos souvenirs de guerre, dis? Allez, allez. Bon, donc je convainc Johan de se nommer dictateur. Ouais, c'est pas mal. Tu crois qu'il va s'en sortir? Il est un peu petit, non? Bah, je trouve qu'il fait une bonne moyenne entre toi et moi, quoi, à tous les niveaux. Ouais, on se comprend. Bon, en plus, il n'est pas là pour râler. Vendu. Par contre, on fait quoi s'il est trop bon? Faut qu'on puisse le virer quand même, non? Je te propose dictateur à l'essai. C'est un bon concept, non? Merveilleux. Adjugé. Nous sommes le 1er septembre 2015. Bienvenue dans la saison 6 de Podcast Science et longue vie au nouveau dictateur à l'essai. Bonjour à tous. D'abord, un petit tour de table. Après ces longues vacances, on est content de tous vous retrouver, de tous se retrouver. Donc, on croyait aller avoir pas grand monde. Finalement, on a tout plein de monde. Donc, autour de la table, on a Julie. Salut, Julie. Salut. On a Irène depuis Santa Barbara. Salut, Irène, avec une petite dédicace dans l'intro. Oui, c'était super. Bonsoir, tout le monde. On a donc Alan, qu'on a aussi entendu dans l'intro. Salut, Alan. Salut, je suis très content d'avoir un vieux dictateur de pacotille. Ouais, ça fait plaisir. Deux vieux cons, ça peut discuter. Tellement. Un certain Robin, qui doit pas être loin avec Boson. Excusez-moi, juste pour savoir, vous m'entendez là ? Ouais, on t'entend bien. voilà, c'est parce que Ninon avait appuyé sur le bouton mute du casque. donc Robin et Boson sont là. On a Pascal qui est aussi dans le coin. Salut Pascal. Salut tout le monde. Et last but not least, nous avons notre Billy national. Salut Billy. Salut. Qui en fait n'est plus notre Billy national parce que maintenant c'est une Billy étrangère. Ouais, je suis belge. Tu nous as aidé d'impôts, c'est ça ? Jusqu'à maintenant, tous les belges auditeurs de podcast science nous envoient de la bière. Ah mais ouais, t'as suivi Depardieu en fait. Pardon. Ouais, mais ça marche pas vraiment à mon niveau fiscal, tu vois. C'est plus c'est la Russie peut-être. Ouais. C'est la Russie alors. Ouais. J'arrête. Bon, vous l'aurez compris au ton qui commence, cette émission, c'est une émission un peu légère pour commencer la saison parce qu'on avait tout plein de choses à vous dire et surtout parce que finalement, on avait calé un premier dossier la semaine prochaine. Soyons honnêtes, mais on a quand même une émission un peu chargée. Donc, on va d'abord vous présenter quelques petites nouveautés qui vont nous suivre cette année. On va vous représenter l'équipe parce que ça avait été demandé parfois et on s'est dit que ça peut être pas mal, comme ça change assez régulièrement, de représenter toute l'équipe qui s'agrandit de jour en jour. Quelques messages d'auditeurs des dernières émissions de la saison précédente. On va vous parler du pitch de la semaine prochaine. Il y aura aussi un blog audio spécial pour un événement qui est arrivé cette semaine. Je n'en dis pas plus. Une côte, des plugs, et puis ce sera une émission bien remplie avant de recommencer des dossiers la semaine prochaine. Ce sera une émission, t'as dit ? Oui, je rajoute des liaisons. C'est pour ça que je dis 8 ans maintenant. C'était ça ou là ou l'autre. T'as pas le choix. 18 ans. Du coup, on commence tout de suite à parler vite fait de la nouvelle formule ? Ça vous va ? Parfait. Alors, donc on a eu un point fixe cet été. Pour ceux que les nouveaux arrivants, le point fixe, c'est la réunion annuelle de Podcast Science pour donner les horizons. Et je n'ai pas le droit de dire tous les mots qu'on dit habituellement quand on fait un bilan de comité d'administration, parce que c'est des mots interdits à Podcast Science. Je me demande même si comité d'administration ne sont pas interdits. Oui, je crois que tu vas te virer. Tu serais viré si ce n'était pas déjà fait. Mais le dictateur n'est pas là. Donc, la première grosse nouveauté, en fait, surtout pour les gens qui nous écoutent actuellement en live, c'est que, en fait, maintenant, on va être sur un rythme un peu de deux semaines, en tout cas pour les dossiers. On va tâcher de faire des dossiers qui seront pas forcément plus longs que l'an dernier, mais du coup, qui seront découpés en deux et qui seront diffusés une semaine puis après l'autre, mais qui seront enregistrés que la première semaine. Par exemple, la semaine prochaine, nous avons un dossier sur le deep learning et un peu sur l'intelligence artificielle. Il sera enregistré là mardi prochain, mais il sera diffusé mardi prochain et le mardi d'après. Donc en live, on sera là mardi prochain et on sera aussi là le mardi d'après. Alors on va voir un peu ce qui se passe pour ce premier live. A priori, on diffusera la deuxième partie et éventuellement, on sera là pour papoter et discuter dans la chatroom. Mais cette fois-ci, on ne sera pas obligé de suivre ce qu'on est en train de dire parce que ça aura déjà été enregistré. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. J'ai rien compris, mais tu l'as dit avec tellement d'aplomb qu'on a envie de te croire. Bah sinon reformule quoi. Non. Donc voilà, en gros pour les auditeurs en différé, c'est-à-dire le gros d'entre vous, ça ne change rien, vous allez recevoir votre émission chaque semaine, si ce n'est que ce sera la même thématique à deux semaines d'affilée la plupart du temps. Et pour les autres en live, vous aurez une émission clampette la première semaine et vous aurez une petite séance de rattrapage la semaine d'après si vous n'avez pas tout compris, si vous avez envie de papoter plus directement avec nous. Voilà, voilà. Alors ça, c'est pour les émissions un peu classiques, les émissions de type dossier et certaines émissions interview qui ont tendance à être assez longues et passionnantes. Par contre, on a un autre type d'émission qui s'appelait l'an dernier les freestyles, où là, on a voulu tout reprendre, faire plein de changements, parce que le freestyle avait beaucoup changé, etc. Je ne sais pas si Julie, tu veux présenter un peu le freestyle de cette année ? Non, je pense que c'était bien. C'est là. Moi qui dis tout, tu es sûr. Hein. Donc, le freestyle d'abord, le nom freestyle plaisait pas à plein de monde, donc on a décidé de changer de nom. Et à bon dictateur, vaut ce que ça vaut. Enfin bref, c'est Alan qui a décidé, en faisant de la dictature démocratique, le nom. Alan, tu as choisi quel nom pour les freestyles ? Les émissions en roue libre. En fait, quand tu dis plein de monde aimait pas le nom, c'est pas vrai, c'est Robin qui aimait pas, il comprenait pas, c'était un anglicisme, tout ça. Robin est très snob. Je profite de ce qu'il puisse pas parler à cause de vous. Donc voilà, il aimait pas freestyle, on lui a proposé roue libre pour le calmer. Je crois que ça lui plaît bien. Ouais, c'est sympa roue libre. Bon, et donc, cette émission Roue Libre aura toujours des interviews. Alors, c'était une des premières raisons pourquoi on ne va plus appeler ça freestyle au-delà des goûts de Robin. C'était parce qu'on s'était rendu compte que de plus en plus, on avait des interviews qui étaient assez intéressantes. C'était dommage de les présenter comme un freestyle, un truc un peu plus léger, alors qu'on pouvait avoir des gens tout aussi passionnants que dans les émissions qu'on appelle dossier. Ce sera une émission qui sera plus centrée autour de rubriques, comme vous en avez déjà eu pas mal. Il y avait la rubrique de Robin, il y avait parfois des quiz, il y avait quoi d'autre, des blogs audio. Peut-être qu'on aura des critiques de bouquins cette année et bon, plein d'autres surprises. C'est pas encore complètement finalisé. On verra au premier freestyle et puis au suivant. On va quand même garder ce petit côté discussion entre nous et ce petit côté terrain libre pour expérimenter d'autres formats et inviter d'autres personnes. Quoi. Des commentaires les autres là-dessus ? Ouais, t'as dit freestyle, c'est mal, t'auras un blâme. Ouais, c'est vrai que c'est maintenant entré dans la liste des mots interdits. Tout à fait, exactement, ça me plaît comme idée. Alors, dans les autres énormes changements, d'autant plus que tous les membres de l'équipe n'ont pas encore compris, hein Irène ? Je taquine. C'est les dons. Donc, vous l'avez vu en fin d'année dernière, on l'avait parlé, on a supprimé la page de dons PayPal parce qu'on avait plusieurs problèmes avec le compte PayPal. Et du coup, maintenant, on est passé sur Patreon. On n'a pas encore complètement fermé le compte PayPal, mais on va le faire sous peu. Ce qui veut dire que si vous aviez une subscription au PayPal, elle va être annulée. Donc, si vous avez envie de continuer à nous soutenir, il va falloir venir sur Patreon. Patreon, c'est une soumission mensuelle. Alors, il se trouve qu'on ne peut pas régler des possibilités de dons ponctuels. Si malgré tout vous êtes plus dans l'idée de faire un don ponctuel ou ça, on peut s'arranger. Le mieux c'est de nous envoyer un mail ou alors le plus simple pour nous mais pas pour vous, c'est de faire une inscription mensuelle à Patreon et une fois que la première est prélevée, c'est de se désinscrire de la souscription Patreon, ça marche aussi. Mais bon, en tout cas, contactez-nous là-dessus et ce qui est sûr, c'est qu'on va supprimer ce compte PayPal. Alors, on a choisi Patreon déjà parce que ça a simplifié beaucoup de choses dans l'arrière-boutique chez nous, mais aussi parce que finalement c'est une plateforme sympa où on a plus de visibilité sur le fait de combien on a, qui donne des dons, etc. et communiquer avec vous. Et on va essayer de tâcher de jouer le jeu cette année avec, c'est-à-dire de servir des postes aux patrons. Donc un patron dans Patreon, c'est quelqu'un qui fait un don, donc grosso modo c'est quelqu'un qui donne au-dessus d'un dollar. Et vous aurez accès à des messages où il y aura une sorte de making-of. Vous pourrez suivre un peu les émissions en train de se faire, les radios dessinées où on se pose des questions, où on essaiera d'interagir avec vous si ça vous intéresse. Bien sûr, vous ne serez absolument pas obligé de répondre. Mais dans l'idée d'avoir un peu une vision sur l'arrière-boutique et éventuellement un contrôle, enfin de papoter avec nous là-dessus. Et si vous êtes extrêmement généreux, aujourd'hui le palier est fixé à 20$ par mois, ça pourrait évoluer. On n'est pas hyper chaud sur les idées de contrepartie, mais il y en a une où on était tous en unanimité d'accord que c'était une bonne idée. On s'est dit que comme on était un peu dans les quatre coins du monde, si vous donnez plus de 20$ par mois, vous aurez le droit à une carte postale manuscrite depuis le lieu de résidence de votre podcasteur préféré au sein de Podcast Science. Si c'est pas beau. Nous aussi, on doit payer si on veut recevoir une carte postale de Santa Barbara. Ah, je sais pas, tu vois. Ouais, j'essaie de soudoyer Irène. Donc, essaye. Ouais, et moi, pendant les 3 prochains mois, je pourrais vous envoyer une carte postale du Brésil et de la Bolivie, si vous voulez des sous. Donc moi, en ce moment, c'est plutôt Paris et Barcelone, dont je peux vous envoyer des cartes postales. Julie, c'est Nice, tu te déplaces un peu ou pas ? Ouais, il y a Hong Kong dans un mois. Voilà, donc Nice et Hong Kong. Putain, c'est pas mal quand même. On a Baltimore pour Johan. Si vous voulez vraiment une carte postale de Suisse, vous pouvez demander à Alan. Ah, il faut être désespéré. Si vous voulez une carte postale de Tournefeuille, il va falloir aller vite. Ce sera la semaine prochaine, mais elle peut être signée d'Alan et moi. Ouais, on se retrouve à Tournefeuille. C'est cool. C'est quoi Tournefeuille ? C'est fou ça. C'est un village d'un dessin animé. Non, c'est une vraie ville de France. C'est le lieu de naissance de Nico Tube, il fallait bien que quelqu'un... Non, je suis né à Paris, j'ai grandi à Tournefeuille. Il fallait bien que quelqu'un grandisse à Tournefeuille. Voilà, si vous voulez qu'elle soit dédicacée par Boson, je pense que ça peut se négocier aussi. Avec de la bave. Si vous avez des idées d'autres contreparties qui peuvent être amusantes, vous l'aurez compris, on ne cherche pas à faire des vraies contreparties et compagnie, mais des trucs sympathiques comme ça. On est ouvert. Enfin, si vous avez des idées que ça nous amuse, on pourra ouvrir à d'autres contreparties. Aujourd'hui, on n'avait pas trop d'autres idées. Ah, on pourrait faire une bouteille de bière locale ou une bouteille de vin locale aussi. Voilà, ça fait partie des idées plus compliquées à mettre en place. Donc si quelqu'un prend la charge, peut-être. Pour les dons, pour en dire deux mots, donc pourquoi des dons ? C'est un peu toujours pour la même chose, c'est-à-dire qu'on a du matériel audio, on essaie d'améliorer la qualité, on a des déplacements, c'est-à-dire qu'on se met maintenant... Il y a eu la soirée Podcast Science sort du placard et la soirée au CERN, enfin, c'est des soirées où maintenant on est content de pouvoir défrayer des invités pour qu'ils puissent venir. Quoi d'autre ? Enfin voilà, et là, dans les questions, je vais y venir tout de suite sur les nouveautés qui vont se poser, c'est qu'aujourd'hui on est hébergé sur SoundCloud. qui est une plateforme un peu un YouTube de la musique, mais qui a plusieurs problèmes financiers. Alors, on est en train de chercher un nouvel hébergeur et c'est des choses qui vont sans doute nous coûter de l'argent, qui vont nous coûter de l'argent, et donc ça fait partie de ce à quoi vont servir les dons. Voilà, voilà. D'autres commentaires, les autres ? Ou je parle tout seul jusqu'au bout ? Oui, tu parles très bien tout seul. Ouais, ça fait 10 minutes qu'on n'est plus là. Ouais, puis moi je préfère me muter parce que j'ai un truc qui arrête pas de faire du bruit là. Bon, ben moi j'ai quasiment fini sur les nouveautés. L'autre nouvelle qui pourra plaire à certains, c'est qu'il y a le retour de la newsletter, attention, qui avait un peu perdu de vitesse en fin d'année dernière. Et ça y est, c'est reparti. Vous aurez pu avoir votre newsletter toutes les semaines si vous préférez être au courant des nouveautés comme ça. Voilà, voilà. Cool. C'est Irène qui va s'en occuper de la newsletter, c'est ça ? Oui, suivi dans les oui c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, dans la newsletter, c'est plutôt Irène. Le Patreon, a priori, pour l'instant, ça va être plutôt moi, mais peut-être que les autres vont y trouver aussi l'envie de participer. Et voilà, globalement, sur les contacts. Et sinon, l'équipe, bah, justement, on va présenter l'équipe maintenant. Julie, tu me laisses respirer ? Ouais. Ou pas ? Depuis quand il doit respirer ? C'est, ouais, c'est clair, attends. Vous êtes atroce, quoi. Joanne n'est qu'à laisser. Hein. T'as encore des trucs à faire. Bon, allez. Tu veux dire que tu n'arrives pas à parler et respirer en même temps ? Je crois que c'était multitâche. Moins de gaz. Il vieillit. Ouais, il vieillit. Ça va. J'ai pas une vie trop monotone encore. Julie, alors, on t'écoute. On commence... Bah... Parce que ce que vous ne savez pas dans l'arrière-boutique, c'est que je lui ai laissé la parole au moment où le conducteur n'a plus rien. Et bon, en même temps, j'étais chargée de le remplir, donc bon. Mais t'as aussi envoyé un appel désespéré. Oui. J'arriverai pas. Est-ce que vous pouvez... Il n'y a que Samuel qui a répondu, mais que pour lui. Bah, du coup, on peut peut-être commencer par Samuel. Alors Samuel, il est arrivé en avril dernier dans l'équipe, c'est le community manager de Podcast Science et il commence à étudier la physique à Genève la semaine prochaine et il fucking love science, physics pardon. Voilà, donc Samuel c'est le dernier arrivé dans l'équipe et qui va essayer d'animer. Ah, il est encore en... Il le fait. Il est encore en phase de tâtonnement au sens où si vous voyez parfois des fautes d'orthographe, c'est encore un peu tâtonnant. Mais à part ça, il est bien motivé et il donne bien vie sur les réseaux sociaux au podcast. Il fait un très chouette boulot, Samuel. Yep. Alors du coup, on fait du dernier arrivé au premier ? Ouais, vas-y. Vas-y, comme tu veux. Billy, puisque t'es là. Ouais, je suis là. Billy, t'es membre de Podcast Science ? Bah, je suis pas au courant, mais... C'est ton t-shirt, non ? Ouais, si, ouais, c'est comme si j'avais signé un contrat. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Vous avez pas écrit un truc sur juste moi ? Juste que tu te présentes, quoi. Moi, je pensais que j'allais écouter, parce que depuis tout à l'heure, j'apprends plein de trucs. J'ai dit heureusement que je suis venue à ce podcast-là, sinon je vous aurais attendu le jeudi soir à 21h ou une fois sur deux, tout ça, j'ai tout appris, c'était vachement bien. Bah, Billy, présente-toi un peu, donc qui tu es, qu'est-ce que tu fais, okay. Qu'est-ce que tu aimes ? Je m'appelle Billy. Je suis en Belgique depuis 2 mois, dépressive depuis 2 mois. À cause de la Belgique, ça va plaire à Stéphanie, ça. Non, franchement, la Belgique, c'est bien, mais putain, le temps, quoi. Le temps, sérieusement. Enfin, c'est compliqué. Donc, je vais fuir au Brésil pendant 3 mois pour prendre des réserves pendant l'hiver. Et puis après, je serai à Donf et je vous ferai part de toutes les actualités scientifiques belges, les expos, tout ça, les bières, le chocolat, je vous ferai des petits descriptifs. Et puis de temps en temps, j'essaierai de vous parler de biologie et de la géologie, j'aimerais bien un peu cette année. Je me suis dit qu'il fallait que je me remette là-dedans. Voilà, et donc t'as un blog aussi accessoirement ? Ah oui, Science à Billy, mais alors en ce moment, on va dire qu'il n'est pas très, très étoffé. Quoi. Ouais, mais il y a des vieux posts si on les a pas ouais, encore consultés. Et puis il y a la page Facebook, et là, je vais m'y remettre parce qu'il pleut. Donc, je vais être obligée. Voilà, et donc Billy, dans le podcast, vous avez pu entendre un épisode du génome raconté comme un épisode de Dallas, où encore, elle a presque réussi à nous dégoûter du sexe à la Saint-Valentin. Enfin, c'était assez sympa. Ouais. Et Billy, t'es prof là en Belgique ? Qu'est-ce que tu fais ? Je suis au chômage, mais sans les allocations. Donc en fait, j'ai pris une disponibilité de mon poste parisien où j'étais en ZEP et je recommence à travailler en janvier en tant que prof. Ah d'accord. Mais avec des tout petits, tout sages et ça m'angoisse, vous pouvez pas savoir. Moi qui suis habituée à des gros gaillards un peu sportifs, là ça va me faire... Je vais être obligée d'être gentille et de ne pas faire peur à mes élèves. Et je vous avoue, je traverse une phase de doute assez intensive à propos de ma capacité à ne pas faire peur à mon auditoire. Donc, ça va être du challenge, je vous tiendrai au courant. Très bien. D'accord. Interdiction de jeter des tout petits par la fenêtre, ça ne se fait pas. Mais comment je vais faire ? C'est ma seule façon de travailler. Donc, Billy n'est pas forcément là toutes les semaines, mais une manière de repérer quand elle est là, c'est qu'Alan vient. C'est ça, hein ? Oui, c'est J'ai un faible pour les dictateurs déchus. Je croyais que c'était l'inverse, en fait. Ah, mais c'est bien, je vais avoir un peu plus de côte auprès de toi si t'as de la côte. Bon, bah attends, t'as déjà la côte avec le champagne que tu m'as fait boire la dernière fois. C'est bon, quoi, tu seras toujours dans mon cœur. Parfait. On passe à Pierre ou on continue sur Bill? On va enchaîner, on va passer à Pierre. Alors, Pierre, il nous a précisé quand même de penser pour sa petite bio à Parasite, Beat et Évolution. C'est lui qui a écrit ça ou c'est une blague? Oui, c'est un mail qu'il a envoyé ce matin quand j'ai appelé à l'aide, justement. Bon, ben, ça dit tout. Voilà. Ouais, je pense que voilà, c'est bien résumé. Quelque chose à ajouter? Bah, du coup, juste quitte à faire proprement l'historique, il a un blog qui s'appelle Strange Stuff and Funky Things, qui est un peu comme le blog de Billy, et pas forcément mis à jour hyper régulièrement en ce moment, mais lui, ça fait un peu plus longtemps que Billy qu'il n'est pas mis à jour régulièrement. Et Pierre, il papillonne autour de plein de choses. Il a fondé Strip Science avec grâce à qui on a pu faire venir des dessinateurs à nos soirées radio dessinées, et qui en fait est un agrégateur de dessins de science. Et voilà, sinon il fait de la recherche en biologie et il est déjà venu plein de fois dans le podcast bien avant qu'il soit officiellement membre. Et en particulier, il est venu parler beaucoup d'évolution. Et je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur Topo pour... Si on parle de Strip Science, qui était son initiative au départ, on peut aussi parler de Vidéo Science. Oui, tout à fait, Vidéo Science, ouais, vas-y. Vidéo Science, c'est un portail, enfin c'est un agrégateur de vidéastes de science. C'est aussi une initiative de Pierre, bien sûr. Et puis, il y a des tas de gens très bien. Il y a Viviane, qui est avec nous dans la chatroom, Syllabus, qui vient de sortir une vidéo aujourd'hui qui explique comment gagner des chocolats, comment manger plus, avoir plus de chocolat pour son argent grâce aux statistiques. Parfait. Le dictateur a laissé, donc, Johan. À partir de maintenant, il n'a plus de vie. Il n'est pas au courant, mais voilà, c'est triste. Il avait qu'à être la soeur. Ouais, c'est ça. Donc, Johan, c'est un peu le respo espace du podcast. C'est lui qui vient nous parler d'astrophysique, de plein de choses joyeuses, d'exoplanètes, de choses dans l'espace. Un peu ce dont pouvait parler Mathieu pour les vieux routards du podcast à une époque, mais il en parle plus d'une manière exploratoire, aventurière, peut-être, où Mathieu s'intéressait beaucoup plus aux théories derrière. Donc, il a parlé entre deux Voyager, parlé de l'histoire des télescopes. De quoi il nous a parlé d'autre, de l'espace globalement. Et maintenant, il n'a plus de temps pour faire ça. Voilà. C'est dommage, c'était bien. Il faudra lui dire. Et donc, il est, je ne sais pas si tu l'as redit, mais il est à Baltimore. Et il est à Baltimore, tout à fait. Et donc, pour préciser avant on n'a pas précisé, parce que, enfin si, on a précisé, Billy est en Belgique et Pierre, il est à Paris. Et Samuel, en ce moment, c'est compliqué, il n'est pas fixé géographiquement. Bah si, il a dit qu'il commençait à étudier la physique à Genève. Donc Genève, ouais, je suis con. Donc on a dit pour tout le monde, donc je me tais en fait. En fait, techniquement, il est installé juste à côté, à Saint-Julien, en Genevois. D'accord, merci pour la précision. Julie, ouais. Irène, tu t'autobiographies? Oui. Donc moi, je suis, comme vous le savez, donc j'habite à Santa Barbara. Ça fait 20 ans que j'y suis. Je suis biologiste de formation et je bosse. J'étais venue faire un postdoc aux US et j'y suis restée bêtement parce que j'ai rencontré mon mari. Et sinon, je bosse dans une boîte qui fait des instruments de recherche. Et vous le savez peut-être, mais du coup, je voyage beaucoup. Voilà, en fait. je m'intéresse un peu à tout. Je fais beaucoup de parapente et je vous aime tous. Voilà. Oh, Irène, on t'aime aussi. Irène nous a fait donc des dossiers aussi de bio. Elle a parlé de l'histoire du sang contaminé, par exemple. Quoi d'autre? On peut citer les virus avec Pierre. Mm-mm. Et voilà, pour deux exemples d'Irène. Enfin, c'est surtout de la bio que tu fais. Enfin, voilà, ça fait partie de la team bio. Mm-mm. La meilleure. La meilleure. Enfin, absolument. Sans vouloir être partisane. La meilleure, c'est la team dictateur. Merde, ouais. je suis... La meilleure, c'est la team septante. Allez, viens, Billy, rejoins-moi. Ah non, c'est hors de question. Je trouve ça complètement illogique, si vous voulez mon avis, mais... Oh non, on va pas se lancer là-dedans. Pouillot, donc. Pouillot, c'est notre dessinateur attitré. Donc, pour ceux qui découvriraient Podcast Science ou qui l'ont découvert il y a pas longtemps, en fait, il y a une émission live le mardi soir à 20h30 où des dessinateurs viennent dessiner en direct sur ce qui est raconté en live pendant l'émission. Et parmi ces dessinateurs, on en a deux actuellement qui sont régulièrement là. On a Pouillot, par exemple, qui fait aussi nos affiches des soirées depuis un petit moment, qui a fait nos avatars, qui fait les petites illustrations que vous voyez sur chaque épisode, quand c'est une illustration spéciale pour l'épisode. Donc voilà, le Pouillot qui nous a rejoint un jour dans la chatroom, mais depuis, il n'en s'en passe plus. Et donc, dans les dessinateurs, il y en a un autre qui est Inti, qui lui est un peu moins souvent là, mais il va tâcher d'être plus présent cette saison pour nous faire plein de dessins. Et on vous invite vraiment à venir les voir en live ou alors à venir les voir dans les notes de l'émission, parce que leurs dessins sont vraiment merveilleux. C'est assez incroyable de réussir à faire ça en direct. On a de la chance d'avoir les dessinateurs les plus talentueux et les plus cools du monde sur Podcast Science. De l'internet mondial. Ouais. Et on a aussi les meilleurs auditeurs. Ça fait très con de dire ça. On a quand même un très bon community manager qui t'écrit ton texte juste avant. Ouais, enfin, j'étais en train de le dire. Hein, donc. Alors là, on va faire une petite team arrière-boutique. Les gens qu'on entend moins, quoique pour Julie, c'est pas trop vrai. Mais Pascal, en tout cas, on l'entend très peu. Vous l'avez entendu dire bonjour tout à l'heure, mais on l'entend très peu. Mais c'est lui qui, aujourd'hui, sur qui on pleure quand ça ne marche plus et qui résout les problèmes. Donc voilà, en général, il est heureux et détendu. Sauf quand Bruce d'y penser vient et que notre chatroom casse. Ou sauf quand on a une attaque DDoS une demi-heure avant le début d'une émission en live. Enfin voilà, mais sinon, il est gentil, il est détendu. Julie, la parole est à toi. La grande prêtresse des coulisses. Pascal, à côté de ça, Pascal, il pourrait nous dire un peu ce qu'il a fait dans la vie quand même. Ah oui, c'est vrai, tiens. Oui, c'est vrai, effectivement. Moi, je suis informaticien près de Mulhouse. Je suis arrivé dans le podcast un jour. J'ai eu l'outrecuidance de critiquer un bug. Et donc, comme d'habitude, on lui a répondu, voilà. Si t'es si malin, viens. Et donc, j'ai été si malin et je suis venu. Et voilà, ça fait un an et demi que je fais beaucoup la chatroom, un peu le site, un peu plein de trucs autour. Je suis un peu timide, alors je parle pas. Et donc la chatroom, c'est l'endroit où vous pouvez discuter en direct, pendant les émissions en direct. Effectivement. Et donc ce soir, je suis le représentant de la team de l'ombre, composé également de Puyot, de Samuel, etc. Ouais, parce que Julie, vous allez la dégager de la team de l'ombre là bientôt, parce qu'elle parle trop dans le podcast en fait. Mais elle a jamais été dans la team de l'ombre. Au tout début, si. Oui, au tout début. C'est quand même la grande prêtresse des coulisses, donc il y a un côté coulisses dedans. C'est vrai. C'est vrai, pas faux. Grande prêtresse, c'est à vous. Oui. Moi, dans la vie, je travaille dans le bâtiment. Et puis après, pour PS, je fais quand même partie de la team de l'ombre. Je viens aux émissions, mais je ne fais pas de dossier. Bah, t'en as fait quand même. Si on veut voir un de tes dossiers, il y a eu pour le CERN, t'as fait un mini-dossier. Oui, c'est vrai, sur la construction. On va dire écouter un dossier plutôt que voir, non ? Je ne sais pas, c'est... Ouais, et au niveau... voilà, tout à fait. Non, mais et au niveau émission, tu prépares quand même les freestyles maintenant ? Enfin, les roues libres à partir de maintenant ? Je préparais avant les freestyles, et donc maintenant, je vais préparer un peu les roues libres, mais du coup, il y aura peut-être un petit peu moins de travail. Et donc, Julie, sinon, c'est au jour le jour, de semaine en semaine, où elle est indispensable. C'est pour ça qu'on ne voulait surtout pas qu'elle devienne dictateur. J'y penserai pour l'année prochaine, peut-être je postulerai alors. Tu confirmes, Alan? Aïe, je t'ai toujours dit qu'elle était trop futée, Julie. C'est ça. Alors, c'est compliqué de présenter Robin, sachant qu'il est présent, sans lui apprendre qu'il fait partie d'un podcast diffusé sur Internet. Ouais, oh, ça va. Hein. Non, alors, ce qui me fait marrer surtout, c'est de me rendre compte qu'en fait, je suis un ancien, quoi. Ah bah ouais, carrément. Alors ça, quand même, j'y croyais pas, parce que dans ma tête, je suis toujours le nouveau, en fait. Mais c'est vrai t'es que... T'es arrivé pratiquement en même temps que moi, en fait. Hein. Ouais, ouais, mais après, quand même, donc moi, il y avait des gens qui étaient là et tout, j'avais l'impression d'être un petit nouveau, et en fait, là, maintenant, je suis dans les vieux, ça fait mal. Voilà, donc moi, c'est Robin. Qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire que je suis probablement le plus masochiste du groupe, puisque, en fait, mon boulot consiste à faire à peu près la même chose que ce qu'on fait sur Podcast Science, sauf que mon boulot, je suis payé. Et que c'est sur des horaires raisonnables, quoi. C'est pas la nuit, le soir, tout ça, ah bon, pas d'heure. Mon boulot, ouais, enfin, sauf que je suis tellement désorganisé pour mon boulot comme pour Podcast Science que ça m'arrive souvent de finir des trucs la nuit, mais quand même. Et donc voilà, donc je travaille au Palais de la Découverte à temps partiel, donc en tant que médiateur en mathématiques. Je sais pas s'il faut que j'explique ce que c'est. En gros, l'idée, c'est que je fais tout ce qui concerne les mathématiques, donc je fais des exposés, des articles dans la revue du Palais de la Découverte, des conceptions d'expositions, de manips, des formations pour des profs, des machins, tout ce qui concerne les maths. On est une équipe de quelques personnes à faire ça. Il y en a qui s'occupent des autres disciplines. Et puis à côté, je bosse pour une association qui s'appelle Science Ouverte, que Podcast Science est allé voir deux fois. Et puis, je tiens la rubrique maths de Science et Vie Junior depuis quelques années déjà. Je fais quelques articles de maths en plus. Voilà. Enfin, en gros, c'est de la vulgarisation des maths, mon boulot. Et donc, voilà, je continue à en faire le soir. Mais je rassure les gens qui seraient inquiets, j'ai quand même d'autres centres d'intérêt. Hein. Je ne fais pas que ça. Je fais des bébés aussi et puis voilà, je fais autre chose, hein. J'ai fait beaucoup de théâtre là où on a commencé à être potes avec Nico et puis voilà, tout ça, enfin d'autres choses quoi. Et donc c'est... ça m'arrive d'ouvrir des livres par exemple de littérature, tout ça, enfin, bon, vraiment autre chose quoi. De mémoire, Robin, tu te fais plus raconter des livres par les gens que tu n'en lis, c'est ça? Non, alors oui, les livres avec du contenu scientifique, ouais, je délègue pas mal, ouais. Mais les romans, par contre, j'y vais, ouais. Non, ça, les romans, j'en lis. Ok, et donc Robin, il a plusieurs particularités au sein du podcast. D'abord, c'est le seul à ne pas faire une version écrite de ses dossiers. Et n'hésitez pas à le spammer pour lui dire que c'est pas bien. C'est mal, c'est super mal. Ça, je pense que vraiment, c'est parce que, ok, je suis maso, je fais mon boulot alors que je le fais déjà dans la journée, mais je crois que la partie du boulot qui me pèse le plus, c'est tout ce qui est écrit. Du coup, je crois que, effectivement, c'est là que je lâche le plus vite. C'est mal. Non, c'est super mal. Je suis désolé. Et sinon, il vient nous parler de maths dans des dossiers qui, en général, on vous conseille de les écouter. On a eu beaucoup de retours positifs sur les dossiers de Robin qui se baladent de maths. Même Alain n'a pas trop mal à la tête pendant les dossiers de Robin. Non, j'avoue. C'est vrai, quand je fais le bilan après, je ne suis pas sûr d'avoir vraiment capté des choses. Il faut que je réécoute, en général, des dossiers de Robin. Mais sur le moment, c'est un plaisir intense. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Non, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est du baume pour mon cerveau. Je me sens très intelligent quand je t'écoute, en fait. Sauf qu'après, ben voilà, les vieux démons reviennent. Je n'ai quand même pas de mémoire. Puis... bon, ça va, je le prends bien, alors. Si je donne l'impression aux gens qui sont intelligents, c'est pas mal. Ouais, c'est cool, il faut le faire. Ouais. Mais je pense que c'est mieux que donner l'impression. Enfin, je pense que l'objectif, c'est de montrer aux gens qu'ils sont intelligents, pas de leur donner l'impression qu'eux. Parce que les gens sont intelligents, en fait. On est totalement d'accord. C'est beau. Yep. Et puis toi, Nico? Moi, je suis un vieux, mais en fait, arrivé au même temps que Robin. C'est le vrai vieux, c'est Alan, finalement. Parce que je suis arrivé dans le podcast, il existait depuis combien? Depuis une bonne année, déjà. Depuis une année et demie, je pense. Ouais, ouais, c'est une année et demie. Et donc voilà, moi je parle aussi de maths, même si ces derniers temps j'ai de plus en plus tendance à papillonner sur d'autres sujets aussi qui sont pas que exclusivement des maths. Et voilà, dans la vie j'ai créé une start-up qui fait de l'éolien et quoi d'autre. Il m'arrive de dessiner même si je dessine de moins en moins. Et je crois toujours que je multitask même s'il a été prouvé dans Podcast Science que c'est pas le cas. Voilà, rien d'autre. Ok, et puis donc t'as l'honneur de rejoindre le rang des dictateurs. Voilà, dictateur déchu. T'aurais pu commencer par ça, je suis un peu déçu. C'est vrai, j'ai rejoint l'ordre des dictateurs déchus. C'est ça, la team vieux con. Yo, il reste plus que moi. Ouais, c'est ça. Voilà, moi j'ai eu l'idée de ce podcast, drôle d'idée. J'ai hésité avant de cliquer sur Send pour inviter Mathieu à le faire avec moi à l'époque. Et quand je vois tout ce qui se passe autour de ce podcast, toutes les rencontres, tous les trucs absolument incroyables, je me dis non, d'une pipe, j'ai vraiment bien fait de cliquer sur Send. C'est une des choses que je suis sûr de ne pas regretter dans ma vie. Moi, j'ai donné ma démission larmoyante, c'était quoi, l'épisode 157, 159, quelque chose comme ça. Il n'y a que toi qui mémorises les numéros d'épisodes. En fait. Ouais, ce qui est quand même très bizarre. Hein. Ouais, c'est hyper bizarre. C'est vrai. Enfin, c'était dans ces eaux-là. Je n'ai jamais réussi à partir vraiment, même si j'ai vachement levé le pied. C'est vrai qu'à une époque, je faisais tout, puis maintenant, je ne fais pratiquement plus rien. Je suis un peu comme Rob, hein, je fais le touriste. Je viens, je cause et je m'en vais. C'est super agréable, j'aime beaucoup. Et puis, j'essaye de m'impliquer plus dans les trucs un peu événementiels qu'on fait exceptionnels, les soirées radio dessinées, ces choses-là. J'essaye de recruter des invités aussi intéressants. Et puis, je joue mon rôle de vieux con en râlant quand ça dérape, et en encourageant quand ça va bien. Donc voilà, je pense que je vais continuer un peu comme ça cette saison, si vous voulez bien. Bah ouais. Et puis tu m'offres une transition toute merveilleuse pour dire qu'en fait, là, on présente l'équipe un peu officielle, que vous entendez derrière les micros régulièrement, mais Podcast Science, de plus en plus, ça s'est beaucoup développé l'an dernier et on espère que ça va continuer à se développer comme ça. C'est plein de gens qui papillonnent autour. Il y a plein de gens qui nous font des retranscriptions d'abord, c'est-à-dire que la plupart, donc en gros tout ce qui est fait par Podcast Science, à part Robin, il y a une version écrite. Donc quand c'est des interviews, c'est des gens qui écoutent et qui retranscrivent, et certains souffrent pendant des heures et des heures pour pouvoir retranscrire, donc c'est vraiment un boulot qui est extrêmement compliqué. C'est aussi des gens qui vont nous lire des blogs en audio, des gens qui vont venir nous parler de leur passion ou d'un sujet qui les intéresse une fois et qui du coup vont nous apprendre quelque chose. C'est des gens qui nous envoient des bières, c'est quoi d'autre encore, enfin voilà, tout plein de gens qui finalement nous aident aussi à faire ce podcast et à faire qu'il y ait autant d'épisodes passionnants à réaliser. Aussi des gens qui nous disent « Salut les gars, je travaille au CERN, ça vous dit de faire une émission ?» ou des choses comme ça. Assez surréaliste finalement. Yep. Ouais. Voilà, je crois qu'il y en avait quelques-uns de nous qui voulaient raconter quelques news de cet été. D'abord, on a une news extrêmement importante. Il y a Pascal qui a une barbe. Voilà, ça valait la peine de le mentionner. Ça valait la peine de le mentionner, parce que comme vous ne le voyez jamais, c'est important. Dans les autres petites news, alors en fait, je pourrais plutôt en parler la semaine prochaine. Moi, je vais participer à la NIPConf, qui est une conférence organisée par Benoît Curdi de NIPTech à la fin du mois d'octobre. Donc, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Et ce sera pour parler du même sujet que celui de la semaine prochaine, mais dans une version raccourcie de 20 minutes et orienté plus SnipTech, avec un peu plus d'inspiration, etc. Et puis, dans les annonces, il y avait Alan, tu voulais nous raconter un peu ce qui occupe ta vie maintenant depuis quelques mois et encore plus officiellement depuis la rentrée. Yep. Moi, j'avais une vie un peu schizophrénique, en fait. Je faisais de la communication digitale la journée et puis je faisais tous les trucs qui tournent autour du podcast, du Café des Sciences, tout ça, la nuit et le week-end, de la communication scientifique. Puis à un moment, je me suis dit que ce serait peut-être quand même pas mal de commencer à gagner ma vie en faisant ce que j'aime et puis en réunissant... toutes ces compétences sous un même chapeau. Donc, ni une ni deux, je viens de créer avec un collègue du Café des Sciences, c'est Karim Majer du blog Sweet Random Science, une agence de communication dédiée aux organisations scientifiques. Ça s'appelle Big Bang Science. Donc, on va offrir toutes les prestations qu'offre une agence de communication traditionnelle, sauf que c'est... spécifiquement pour les scientifiques, les organisations scientifiques, les organisations, les institutions, les entreprises qui gravitent d'une manière ou d'une autre autour de la science. Donc c'est les musées, les instituts de recherche, les centres de recherche, les universités, les écoles, les grandes écoles, etc. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a un gap entre l'offre et la demande. D'un côté, les scientifiques sont de plus en plus amenés à communiquer, à expliquer ce qu'ils font, à se rapprocher de leur public, à communiquer de manière efficace, ne serait-ce que pour lever des fonds. Et puis, d'un autre côté, c'est les grands oubliés des agences de communication qui sont déjà à des années de ce qui commence à se faire dans la science. C'est-à-dire que d'un côté, on a juste besoin d'exister, d'avoir une notoriété, d'être visible. Enfin, c'est vraiment le béaba de la communication. Et puis de l'autre, on vous parle déjà de stratégie cross-média, pluri-channel, je ne sais pas quoi. Enfin, un scientifique qui se mettrait à la recherche d'une agence de communication et qui tomberait sur l'offre des agences classiques, il perdrait son latin. Et puis, je crois qu'il y a un problème culturel aussi. Ouais, on a eu l'occasion de se rendre compte de temps en temps avec certains invités qu'on a pu avoir sur le podcast. Il y a une certaine peur de communiquer de la part de beaucoup de scientifiques, un peu comme si avoir un discours intéressant, raconter une histoire, c'était forcément un peu dénaturer le sérieux du travail du scientifique. Et moi, je crois vraiment que ce n'est pas le cas, en fait. Il y a pas mal d'éducation à faire, peut-être de ce côté-là, pas mal d'accompagnement, pas mal de pédagogie. Mais je pense qu'on peut raconter une bonne histoire, une histoire qui intéresse les gens, avec laquelle ils peuvent se connecter, s'en sentir proche, sans dénaturer du tout le sérieux et les accomplissements du travail des scientifiques. Donc voilà, c'est un peu notre challenge. On démarre comme ça, sur nos propres économies. On n'a même pas encore un client dans le collimateur. Donc, j'aurais aucun scrupule à appeler au secours la communauté de Podcast Science. Si vous identifiez des gens qui pourraient avoir besoin de ce type de service, n'hésitez pas, quoi. On est là, c'est avec plaisir qu'on ira leur parler, qu'on leur présentera ce qu'on fait, qu'on pourra leur faire une offre, ce serait formidable. Et puis, je pense qu'en tant que nouvel acteur de la communication scientifique, et puis comme on connaît un petit peu tout le monde à travers le podcast, les blogs du Café des Sciences, on aura peut-être un rôle un peu fédérateur aussi dans cette communauté. À partir du moment où les sous vont rentrer, je pense qu'on pourra faire des trucs aussi, sponsoriser des événements, faire en sorte qu'on puisse se rencontrer. Donc on a plein d'ambitions. Ça va être dans le même esprit que ce qu'on fait déjà, si possible donnant donnant, que tout le monde s'y retrouve. Donc voilà, là on est tout feu, tout flamme. La société vient juste d'être créée, elle enregistre au registre du commerce ici en Suisse, ça s'appelle le Big Bang Science Communication SARL, et on démarre. Pour le moment, on publie des billets de blog, on est assez actif aussi sur les réseaux sociaux, enfin on essaye de mettre notre petite empreinte. On a plein d'idées pour grandir plus ou moins vite, mais une fois encore, si vous avez des idées, vous êtes les bienvenus. C'est avec un immense plaisir qu'on collabore avec les gens qu'on connaît. Ah oui, le site, je n'ai pas dit ce que c'est bigbangscience.fr, donc c'est tout en un mot, tout collé, bigbangscience.fr. Il y a le .ch aussi, mais enfin, voilà, c'est plutôt sur le .fr qu'on va communiquer. C'est en français et en anglais. On va bosser dans les deux langues. On est emmerdé pour le suisse-allemand. On n'a pas les compétences, mais on peut bosser sur Suisse et sur France. Belgique. Sur Belgique, je sais pas, ouais. Comptez pas sur moi pour faire la traduction néerlandaise. J'ai des progrès à faire, je crois. Peut-être pour rebondir sur ce que tu disais, donc le côté, tu es convaincu qu'il y a moyen de raconter une histoire intéressante sans dénaturer les sciences, c'est finalement ce qu'on essaie de faire dans le podcast depuis les débuts, quoi. Et par contre, je ne sais pas si c'est important de le préciser, mais peut-être, donc c'est toi qui montes de ton côté ta boîte, ce n'est pas un projet du podcast, ou, etc. C'est vraiment avec Karim, donc quelqu'un du café que vous n'avez jamais entendu dans le podcast, mais vous avez entendu un blog audio qui était tiré d'un de ses blogs, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a eu quelques-uns, ouais. Et voilà, quoi. Yep. Non, effectivement, c'est des projets indépendants, mais des projets amis. Amis et qui, au niveau des idées, sont très proches. Enfin, c'est plus pour dire que le podcast ne change pas de statut. Ça reste quelque chose qui est gratuit, qui n'a pas vocation aujourd'hui à faire vivre vraiment les personnes qui participent finalement. Peut-être que ça changera, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et que ça, c'est quelque chose que tu crées à côté, mais sur les compétences et sans cacher que c'est la même personne, quoi. Ouais, c'est ça. Non, je précisais au cas où, histoire qu'il n'y ait pas de mécompréhension. Tu fais bien. Voilà, voilà. Bah ouais, c'est cool. Longue vie à Big Bang Science, quoi. Ouais, bon courage ça et me... tout. C'est un beau ouais. projet. Ça me met tout plein d'émotions. Ça me rappelle il y a 4 ans quand moi j'ai créé ma boîte, quoi. C'est rigolo. Mais ouais, ouais. Et du coup, là, vous travaillez par contre à distance tous les deux, quoi. Vous n'êtes pas au même endroit physiquement. Non, non, on n'est pas au même endroit. On se fait nos réunions Skype tous les jours. Une vraie entreprise du troisième millénaire, c'est beau. Bon, c'est cool. Il y a LJ qui faisait des remarques sur le terme communication digitale en mettant une image d'un doigt d'honneur. Merci LJ. Qui disait que c'était ça la communication digitale et qu'il faudrait plutôt parler de communication numérique. Je suis sûr que t'es pas d'accord. Bien sûr que je suis pas d'accord. Je vais pas commencer. Surtout après le beau discours. Bon, ben les autres, est-ce qu'il y a des nouveautés dont vous voulez nous faire part? Billy, tu veux nous parler de la Belgique? La Belgique. Alors la Belgique, je vais m'y faire. Pour l'instant, il y a quand même 2-3 trucs à dire sur la Belgique. Je suis désolée, enfin, j'ai quand même envie d'avoir des amis belges, mais vous savez qu'ils n'ont pas de panneau de signalisation. C'est-à-dire qu'il n'y en a que deux. C'est Ring, le périphérique, qui d'ailleurs qui a l'air de tout sauf d'un périphérique, parce qu'en fait, il a une forme de grosse patate ovale, c'est n'importe quoi, et Centrum. Mais sinon, il n'y a aucun panneau. Donc ça fait, j'ai passé 3 jours quasiment à tourner dans Bruxelles sans jamais trouver mon chemin. Donc je pense que les Belges ne sont pas ravis d'accueillir les Français une fois, hein, et qu'il y en a trop et qu'ils ne sont pas contents parce qu'ils ne veulent pas du tout mettre de panneaux pour nous accueillir. Il y a 2-3 trucs comme ça que j'ai découvert sur la Belgique. Tu vas pas te faire que des ennemis belges parce que moi je veux pas que tu nous fâches avec la seule auditrice qui nous envoie des bières. Non mais je veux dire, les Belges sont sympas. Mais ils ont quand même un temps pourri et pas de panneaux. C'est les deux seules choses pour l'instant que je peux leur reprocher. Mais après, il y a plein de trucs bien dont je vous parlerai au fur et à mesure. Mais je préfère, tu vois, genre dire ouais et tout, râler parce que quand même, j'ai encore un peu de sang parisien en moi. Et puis au fur et à mesure, vous montrer ma transition belge vers la gentillesse, la communication et l'ouverture. Mais ça prend du temps quand même, la transition, tu vois. Et je peux pas enlever tout ce qu'il y a de noir en moi tout de suite. Donc ça va venir, ça va être nouveau. Ah, tu me fais penser à l'article du Gorafi d'aujourd'hui. Il est magique. Ouais, ouais. C'est un Français qui va tenter une expérience à ne pas se plaindre pendant un an. C'est ça. Ouais, j'y arriverai jamais. C'est impossible pour moi. Ouais, pense à lui, tu y arriveras. Non, un Français ne peut pas faire deux choses. Il ne peut pas râler, il ne peut pas s'abstenir de débattre ou d'exposer un avis contraire à celui qui lui est présenté. Ouais, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Tiens, c'est bizarre. C'est pas un genre de paradoxe de mathématicien, c'est ça. Cette énoncé. Ah, sinon, j'ai une demande spéciale. Vas-y. Je voudrais lire un bouquin. Ouais. Et qui devrait te plaire, mais ça se trouve tu l'as déjà lu. C'est un truc sur sur un monastère de mathématiciens qui s'interroge sur la physique quantique et sur le réalisme platonicien et le nominalisme, qui s'appelle Anathème. On me l'a conseillé. Il paraît que c'est génial, que c'est genre le truc à lire, mais il n'est pas traduit en français. Donc s'il y a quelqu'un qui veut s'amuser à traduire les 1000 pages d'Anathème, il est en quelle langue ? Il est en anglais, mais alors le truc est pénible. Ah oui, parce que je ne dois plus dire de gros mots. C'est ma deuxième résolution. Et pourquoi tu ne lis pas en anglais ? Waouh ! Non mais attends, hey, voilà. Si tu dis plus de gros mots, on ne va pas te reconnaître. C'est ça le problème. Ouais, et puis en plus, je suis sûre qu'on va perdre des auditeurs. Mais... pourquoi tu ne lis pas en anglais ? Le truc vraiment frustrant, chers auditeurs, c'est qu'en fait, il a inventé tout un langage qui se mêle à l'anglais. Alors, mon niveau d'anglais étant ce qu'il est, c'est-à-dire... passable, et ben tu sais pas si tu lis des mots d'anglais ou des mots de langage inventé, ce qui est un peu pénible. Ah, ça m'a fait cet effet là avec Douglas Adams. Et du coup, je lance un appel à une âme geek qui aurait traduit 1200 pages d'un roman qui et c'est parle, écrit par qui? C'est écrit par Neil Stephenson, mais ça a reçu plein de prix. Il paraît que c'est extraordinaire. Je comprends pas que les mathématiciens geeks que vous êtes ne l'aient pas déjà lu. Vous me décevez, les mecs. Je vois pas de qui tu parles quand non, tu mais c'est parles normal, c'est en anglais, Romain. Mathématiciens geeks. Alors attends, je vous l'envoie en. Tu fais sur la vision à qui exactement? Bah, je sais pas. Irène. Sinon, les autres, vous avez des choses à raconter, des petites annonces à passer comme Billy ou? Moi, j'ai une énorme annonce à faire qui est quand même très importante. En plus, c'est un suivi de rubrique que j'avais faite quand même. Alors, je vais pas refaire tout dans les détails. Ah, oui. Je viens de retrouver le numéro de l'émission. Donc, je vais pouvoir renvoyer ceux que ça intéresse à l'émission. L'émission 188, dans laquelle j'avais fait tout l'historique d'un résultat mathématique. Comment dire ? C'est celui que je connais qui a le plus fait foirer les mathématiciens. C'est-à-dire qu'il y a deux mathématiciens coup sur coup qui ont dit « c'est bon, j'ai tout trouvé, les pentagones qui peuvent paver le plan » et qui en fait s'étaient plantés. Et donc depuis, plus personne n'osait dire qu'on était sûr qu'on avait tous les pentagones connus, mais que ça faisait quand même 30 ans qu'on n'avait pas trouvé de nouveaux pavages avec des pentagones différents de ceux qu'on connaissait déjà, et on avait 14, et donc on commençait à se dire « Ok, ça va, ça fait 30 ans, c'est bon, on n'a pas le droit de dire qu'on les a tous, mais quand même on les a tous. » Et bim, cet été, eh bien, il y a eu un 15e pentagone qui pave le plan qui a été trouvé. J'étais super content. Il fallait que je vous le fasse, que je vous le partage. Donc c'était l'épisode 188, hein, je rappelle, pour ceux qui veulent tout comprendre de ce que je viens de raconter, parce que sinon c'est incompréhensible, j'en ai bien conscience. Mais voilà, ça fait super plaisir. Je vous assure. Et en plus, c'est joli. Tiens, il faudrait que je poste les pavages pentagonaux, les 14 anciens et puis le nouveau, pour que vous puissiez un peu en profiter. Ou alors, je demande lâchement à LJJ de le faire à ma place parce qu'il est super réactif. Mais sinon, j'essaie de le faire. Histoire de traduire ce qu'a dit Robin, si vous avez à refaire votre salle de bain, le carrelage, vous avez un nouveau motif que personne n'aura pour remplir les carrelages de votre salle de bain. Quoi. C'est ça, hein ? Oui, on peut voir ça comme ça, mais enfin, les 14 autres, t'allais pas trouver grand monde qui les avait non plus. Hein. Enfin, il y en a un, peut-être. Je suis sûr que t'en trouves. Non, pas les 14. Je pense qu'il y en a un ou deux. Ouais, bah, le pavage du Caire, tout ça, ouais, ça, on le trouve. Mais il y en a pas beaucoup d'autres, à mon avis. D'autres annonces, ah bah, les autres, est, ou pas ? Oh là là, il les a déjà postés. Il est trop fort. C'est Samuel qui nous les a donnés. Ah, oh, bah, merci. Et bah voilà, il y a les 15. Les autres, d'autres annonces ou pas ? Ou on passe au message d'auditeur ? On est pas mal là. Ah, juste un truc pour dire pour les Belges s'ils ont l'occasion. Elle veut vraiment nous fâcher avec les Belges là. Non, c'est juste pour dire que j'avais visité le Palais Royal, c'était gratuit et qu'à la fin il y avait une toute petite expo sur les insectes, mais que c'était quand même sympa à voir parce qu'il y avait des trucs genre un peu artistiques sur des femmes insectes qui étaient maquillées et habillées comme des insectes et c'était assez super bien fait. Pour dire. Donc, si vous avez l'occasion, allez faire un petit tour. C'est gratuit et c'est pas mal. À Bruxelles, je sais, je le dis pas correctement, mais c'est pas grave, je suis française, bordel. Je pense qu'on va faire une rubrique Billy en Belgique. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Pour les roues libres, là. Ouais, je crois qu'on peut faire un épisode à chaque fois. Ok, je suis partante. On passe au message d'auditeur, du coup ? Ouais, on a juste fait une petite sélection pour la rentrée de 3 messages qu'on a reçus pendant l'été. Donc, merci à tous les auditeurs qui nous envoient des messages. C'est toujours un plaisir de vous lire. Alors, on va commencer par le dernier épisode de la saison 5 sur la relativité générale, moi, qui a fait un vrai carton. Merci Robin pour l'invitation de Jean-Philippe Puisant. Malgré ces 3 heures d'émission, ça a plu à tout le monde. C'est ça. Le truc que peut-être les gens n'ont pas réalisé, c'est que bon, enfin, c'est vrai que nous on l'avait en direct et c'est toujours plus facile d'écouter quelqu'un quand on l'a en direct à côté de soi et surtout qu'il est, quand même, enfin, c'est communicatif son enthousiasme quand même. Mais par contre, pour ne pas avoir de bruit dans l'appart de Nico, il avait fermé toutes les fenêtres et il faisait une chaleur à crever. Et j'avoue que la dernière demi-heure, je suis mort. J'ai pas entendu. Non, et puis en fait, c'était quand même assez technique. Ça parlait de plein de choses. Alan me faisait remarquer, parce qu'il n'était pas là, mais il l'a écouté après, qu'en plus, ça faisait des références à plein de choses dont on avait parlé dans l'année. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai plaisir à le réécouter. J'ai adoré la façon dont il a eu de raconter les choses. Ça m'a fait me passionner pour de la physique, ce qui était quand même pas gagné. Mais j'avoue que la dernière demi-heure, mon cerveau a dit stop. Stop à la surchauffe. Dans tous les sens du terme. Le message d'auditeur ? Alors, on en a reçu un qui nous dit « J'en suis à ma cinquième écoute de ce podcast. Pas que je ne comprenne pas, non, il est merveilleusement bien expliqué. Enfin, quand je dis comprendre, ce serait plus appréhender avec ma tête de néophyte. Mais il est tellement beau et profond que c'est un plaisir renouvelé à chaque écoute. Je voyage avec ce podcast. L'impression que tout est bien huilé. C'est beau, vous m'avez accompagné sur la route des vacances, aller et retour. Les enfants ont bien dormi, merci. Un grand merci pour ce podcast en particulier et tous les autres en général. Je réfléchis maintenant au montant de mon Patreon plutôt qu'à son existence en espérant que ça vous aide à faire d'autres merveilleuses émissions tout aussi passionnantes. Donc, c'était sympa ça. Ouais, il a quand même écouté 5 fois. 5 fois 3 heures, ça fait 15 heures. Avec ses gamins. Ouais, mais ça c'est bien. Mais non, mais c'est bien si c'était genre en bagnole, c'est vachement bien. Mm-mm. Mais ouais, t'entends des trucs quand t'es gamin, tu comprends rien, mais tu l'entends quand même, tu te dors, tu travailles, c'est génial. Alan, t'avais quelque chose à ajouter ? Non, j'essaie juste d'imaginer la scène. Les enfants qui dorment en fond. Allez les enfants, on met une cinquième fois l'épisode de 3 heures sur la relativité générale. En fait, c'est surtout sa femme qui a dû au bout d'un moment craquer. Et pourquoi ? Peut-être que ça l'intéressait aussi. Enfin, franchement, c'est quoi c'est quoi ces abruris là ? En tout cas, on a eu plein de retours de ce type-là sur cet épisode. Ça, il a vraiment fait l'unanimité. Avec un peu de peau, je lui redemande de venir l'année prochaine et il veut bien. Hein. Allez. Avec plaisir, il faut qu'on aille à l'IHP plutôt et qu'on parle de l'IHP. De toute façon, ça, je pense que ça serait très très bien de faire une visite guidée de l'IHP. Parce que du coup, on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'il avait tellement de choses à raconter. Institut Henri Poincaré, hein, donc une des capitales des maths. Je pense qu'il faut absolument qu'on fasse une visite guidée de l'IHP, ouais. Un truc comme ça. Organisé par Robin. Ça va être génial. Bon, on passe à notre dernière soirée radio dessinée. Donc, c'était, je vous rappelle, podcast Science sort du placard. Et on a reçu un message de Geoffrey. Qui dit « Bonjour à toute l'équipe, je prends enfin le temps, une thèse finie, c'est fou le temps qui se libère, de vous remercier et vous féliciter pour le travail accompli. Je vous écoute depuis assez longtemps maintenant. Bien que j'ai aimé tous vos dossiers jusque-là, celui parlant de l'homosexualité était vraiment excellent. Je le diffuse à tout va autour de moi. » Tant il serait bon que les gens écoutent cet épisode. Encore une fois, bravo, continuez comme ça, ne changez rien. Super. Geoffrey, pardon. Pardon ? Merci beaucoup à Geoffrey. Oui. J'ai le plaisir d'avoir ce genre de feedback. Comme Geoffrey, hein, oui. Sur cet épisode, je le diffuse tout autour de moi, pareil. Ouais, moi pareil. Ouais, il est vraiment excellent. Donc merci Alan. Oh, merci. Et enfin, on termine avec un petit message de Greg. Juste un petit message pour vous remercier de ce super site et de vos podcasts. J'ai beaucoup de route et vos émissions me permettent de m'enrichir l'esprit même sur la route. Continuez comme ça. Pas facile l'équation à résoudre pour prouver que ce message n'est pas un spam. L'équation, c'est 5 plus 2 égale combien, c'est ça ? Ça, ouais. Je sais pas, moi, l'ordinateur sait que je ne suis pas un spam. T'as jamais posté de message, tu sais même pas. L'adresse du site. Attends, rigole pas, j'ai posté des messages, il y a des preuves, j'ai répondu à des commentaires. Mais je savais même pas que ce truc était encore actif, je pensais qu'avec Discus, c'était non, mais plus c'est quand tu envoies un message par le formulaire. Ah de oui, d'accord. Ouais, c'est ça, ouais. Puis enfin, on va terminer avec un petit coucou à Erdogan ou Erdogan, je sais pas, qui a écouté 100 épisodes en 6 semaines et qui nous a envoyé un super message. Alors bon, il nous a quand même bien précisé à la fin de ne pas le lire pendant le 227 parce qu'il en est que où il doit en être maintenant au 102 ou au 103, et donc il est bien loin de l'entendre, mais on lui passe quand même le bonjour, et puis ravi que ça lui plaise autant. Donc, une semaine faisant 7 jours, 6 semaines, ça ferait 42 jours, ce qui veut dire 2,4 épisodes par jour. Voilà, il nous dit quand même que les épisodes au début étaient un peu plus courts, donc oui, c'était peut-être plus simple, mais là, il n'est pas sorti de sa peine. Mais il a envoyé un petit update sur Twitter il y a 2 jours, il en était à 110. Ah, voilà. Ouais, parce qu'en plus, ça veut dire que s'il était au 100e épisode, il n'y avait quasiment aucun des intervenants actuels, en fait. Exactement, ouais. Il ne nous connaît pas du tout. Bah, il y avait moi et toi, tu devais... Il y a nous deux qui... Moi, le premier que j'ai fait, c'était juste avant 100. On passe au blog audio ? Ouais. Alan, je te laisse introduire le blog audio, parce que je crois que ça te tient à cœur. Ouais, c'est un peu triste. Le monde de la science est en deuil cette semaine. Oliver Sacks nous a quittés. Il avait 82 ans. Il a appris au mois de février de cette année qu'il y avait des conséquences à son mélanome qu'il a eu il y a une dizaine d'années. Il a eu une opération de l'œil. Il pensait que c'était terminé, mais en fait, non, il y avait des métastases sur le foie. Puis il a appris en février qu'il n'en avait plus que pour quelques mois à vivre. Et puis, voilà, quoi, ça s'est terminé hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et puis, tout le monde est en deuil. Moi, c'était un peu un de mes héros. Je ne sais pas si vous avez vu le film qui s'appelait L'Éveil, qui a été produit au début des années 90 avec Robert De Niro et Robin Williams. C'était sur cette expérience qui a eu lieu dans un hôpital new-yorkais où des malades qui étaient atteints d'aphasie extrêmement sévère, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus parler, on ne savait même pas s'ils pensaient ou pas, enfin ils étaient complètement dans leur bulle depuis des années. Ce chercheur a trouvé une molécule qui tout à coup leur permettait de se réveiller, de revenir à la vie, d'apprécier la vie et tout. Puis en fait, ça a duré quelques semaines, ils ont eu une fenêtre comme ça, et puis finalement ils sont revenus à leur état léthargique d'auparavant. C'est une histoire vraie. Le chercheur en question, c'était justement Oliver Sacks, qui était un neurologue doublé d'un formidable écrivain. Et puis c'est un type extrêmement curieux qui faisait des liens entre toutes les choses. Vraiment un esprit hyper intelligent, très modeste, super curieux. Puis ça lui a permis de voir les choses complètement différemment. Il a écrit plein de livres, dont L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Il raconte ses expériences de clinicien, en fait, et puis on découvre à travers toutes les histoires qu'il raconte des conditions, des maladies mentales, des conditions neurologiques, des trucs absolument incroyables. C'est vraiment, vraiment totalement fascinant. Puis j'ai commencé son autobiographie, j'ai découvert il y a quelques semaines qu'il venait d'en écrire une. En fait, ça faisait partie de ses derniers projets. Je crois qu'il a mis un point final à son autobiographie juste avant d'avoir son diagnostic. Et c'est génial, quoi. C'était vraiment un mec extraordinaire. Je vous encourage à la lire. Je ne crois pas que ce soit sorti en français encore. Ça s'appelle On the Move en anglais, si jamais. Puis enfin bref, pour revenir au blog audio, c'est notre amie Pascale Baugé. C'est également une membre du Café des Sciences. C'est elle qui rédige le blog Le Monde et Nous. Elle a aussi été touchée par cette histoire. Et puis elle a ressorti un livre qu'elle avait lu il y a quelques années de lui, Musicophilia, ça s'appelle. Et puis, elle a écrit rapidement un petit billet. Elle n'en est pas super contente, mais moi, je trouve que, vu les délais, c'est vraiment très cool. Et puis, j'ai eu un coup de cœur et puis je l'ai passé en audio avec son autorisation. On l'écoute maintenant. Quand la musique est bonne. Par Pascale Baugé sur le blog Le Monde et Nous. Alors que l'éminent neurologue et non moins mélomane Oliver Sacks vient juste de nous quitter, j'ai pris grand plaisir à redécouvrir un de ses ouvrages passionnants, Musicophilia, la musique, le cerveau et nous. L'auteur nous livre avec grande justesse l'état des connaissances scientifiques sur les rapports entre notre cerveau et la musique. Comme pour beaucoup de ses livres, on plonge par le biais d'exemples précis dans les méandres du cerveau. La musique, qu'on évolue dans un milieu mélomane ou non, nous accompagne toute notre vie. Un enfant s'y frotte très tôt, ne serait-ce que par le biais des chansons à l'école. Et c'est tellement important. Voyons dans quelle mesure. Vous souvenez-vous de vos premières années à l'école, notamment en maternelle ? Moi, je revois assez bien, par bribes je dois dire, mes premiers pas en classe. Ce qui me revient, ce sont les nombreux moments passés où nous étions tous rassemblés, assis en tailleur sur un grand tapis et entonnions des chansons ou des comptines, et ce, de façon assez assidue, tous les jours, je crois bien. J'ai un morceau particulier qui me remonte assez précisément. Je ne vous dirai pas le titre, c'est super, super ancien. Mais les souvenirs que j'en garde font remonter de délicieuses sensations lorsque je réécoute la mélodie. L'effet de la pratique musicale chez le tout petit est majeur, et l'impact va bien au-delà du moment convivial passé ensemble dans un but commun. Produire des sons qui, structurés et combinés, créent une harmonie, bien au-delà de l'apprentissage de la musique elle-même, de la cohésion sociale, du respect de l'autre. Il y a actuellement pléthore de résultats d'études où un lien est clairement établi entre la pratique de la musique et le développement du cerveau. L'organisation de la substance blanche est nettement différente chez les musiciens. Ce n'est pas vraiment surprenant dans la mesure où il est bien établi que l'environnement, comprendre par là les stimulations, dans lequel un cerveau se développe, modèle son organisation et son fonctionnement sur le long terme. Oui, mais jusqu'à quel point ? La pratique de la musique, ne serait-ce que la chanson, va-t-elle au-delà d'une organisation cérébrale bénéfique dans le domaine des compétences musicales ? Certaines études ont en particulier mis en évidence un lien entre le savoir-faire dans le domaine de la musique et des aptitudes dans le domaine linguistique, incluant l'apprentissage de la lecture. Mais connaît-on les mécanismes mis en jeu ? Une étude publiée par Adam Tierney et Nina Kraus de l'Université de Northwestern dans l'Illinois aux États-Unis fait le tour de la question. Il y est indiqué que de nombreuses capacités verbales, lecture, compréhension orale, expression, reposent sur une reconnaissance phonologique, une connaissance précise des composants d'un message oral et de la façon dont ils se combinent. Il s'agit de compétences qui sont justement travaillées par la pratique de la musique. Il est effectivement prouvé que les musiciens ont des activités neuronales plus rapides lors d'une écoute et une meilleure synchronisation des neurones impliqués dans la reconnaissance de sons issus à la fois d'une mélodie et d'un discours. D'autre part, l'entraînement musical augmente la capacité d'écoute et de compréhension en dépit des bruits de fond perturbateurs. La perception de la structure rythmique d'une mélodie, durée des notes, prédominance de certaines sur d'autres, dans le cadre d'un chant ou de la pratique d'un instrument, joue aussi un rôle prépondérant. Pouvoir battre la mesure ou taper du pied en rythme en début de chaque mesure donne avantage au lecteur qui s'avère être de bons lecteurs. Ceux-ci ont une sensibilité accrue au rythme des phrases, à la distinction entre sons proches. Pourquoi ? Parce que c'est le même mécanisme neuronal qui se met en place pour les deux activités, percevoir le rythme d'une mélodie et celui d'un langage. Ainsi, renforcer ce mécanisme par la pratique du chant chez les tout-petits est un bon entraînement pour aider dans le domaine des compétences verbales. Enfin, la mémoire de travail, celle impliquée dans la perception des sons, est également très sollicitée lors d'un exercice de chant ou tout autre instrument de musique. Or, cette mémoire de travail est justement celle qui facilite l'acquisition du langage et l'apprentissage de la lecture. Bref, si votre enfant passe de longs moments à chanter à l'école maternelle, ensuite aussi bien sûr, réjouissez-vous. Non seulement il doit y prendre plaisir, mais en plus, il défriche le terrain pour les autres compétences fondamentales, expression orale et lecture, des compétences dont il pourra bénéficier jusqu'à l'âge adulte. Les résultats des différentes études indiquent que la musique peut être un bon moyen pour booster les capacités d'un enfant, notamment lorsqu'il est en difficulté. Une meilleure motivation peut-être pour ceux qui se sentent découragés ? Et l'inverse, est-ce que les spécificités d'une langue particulière permettent de développer des capacités musicales hors du commun ? Il semble bien que oui. C'est ce que nous explique Oliver Sacks dans le chapitre « Papa se mouche en sol », l'oreille absolue de son livre « Musicophilia ». Il nous explique qu'il existe une corrélation forte entre la langue de type mandarin ou vietnamien et l'oreille absolue, sous réserve que l'éducation musicale ait commencé entre 4 ou 5 ans. Dans cette catégorie de population, le pourcentage de musiciens possédant l'oreille absolue, c'est-à-dire la reconnaissance d'une note et non uniquement des intervalles, était très élevé, de l'ordre de 60%. Ils reconnaissent les notes de façon très précise et les perçoivent de façon particulière, avec des couleurs, d'après leur propre description. Avec une autre langue maternelle, telle que l'anglais, avec moins de subtilité dans les hauteurs de son, et encore, que dire du français, l'acquisition de l'oreille absolue est bien plus difficile. Passionnant comme sujet, n'est-il pas ? Texte de Pascal Bauger, publié sur le blog Le Monde et Nous, le 31 août 2015. Lu par Alan le même jour. Musique de Félix Mendelssohn, avec un peu de Nana Mouskouri. Bon, moi, je dois avouer que je connais quasiment pas Oliver Sacks, donc je suis complètement convaincu à lire l'autobiographie. Bah, je pourrais te la filer, si tu veux. C'est bien écrit. C'est marrant parce que j'ai le souvenir d'il y a très très très longtemps avoir entendu plein de gens, j'étais encore gamin et je me souviens de plein d'adultes parlant avec enthousiasme de l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Mm-hmm. Donc j'ai retenu juste le titre et je savais plus du tout le nom de l'auteur en fait, mais je me disais depuis longtemps, j'ai gardé depuis 20 ans l'envie de lire ce bouquin, tellement ils avaient l'air contents de l'avoir lu. mais je confirme, c'est un livre merveilleux, tu peux y aller les yeux fermés. Enfin, pour lire, c'est moins... Enfin, bref. Du coup, il le faut en livre audio, si tu veux le lire les yeux fermés. C'est vrai, c'est très con ce que je dis. Moi, je vais lire les yeux fermés, je pense. dans les changements de cette année, du coup, là, je crois qu'on a un grand retour, Alan. Yep, bah, ça me manquait un peu. Un bon vieux quiz, comme on les aime. C'est ce où on se dit spontanément, bah, bien sûr, info, cette question. Et puis deux secondes après, ah ouais, mais en fait, vraiment. Alors, à vous de nous dire ce que vous en pensez d'ici la prochaine émission en roue libre. Voici la petite phrase magique. Il faut boire 2 litres d'eau par jour. Info ou intox ? Alors, ce qu'on vous demande, bien sûr, ce n'est pas une réponse de spécialiste. C'est vos histoires, vos anecdotes, vos avis sur la question. C'est tout ça qui nous intéresse. Et puis, on se chargera, bien sûr, de la réponse officielle. Donc, je répète la colle. Il faut boire 2 litres d'eau par jour. Info ou intox ? Donc, tu dis 2 litres. Ça me paraît être moins que ce qui est recommandé, non ? Non, non, c'est ce qui moins. Ah ouais. C'est ce qui est recommandé, c'est 2 litres. C'est ce qui est recommandé où ? C'est ce qui est recommandé tout le temps, partout. Par... moi, ça me paraît beaucoup, 2 litres. Ouais. Bah, moi, ça attends, attends, pas attends, quand il fait chaud, c'est pas énorme. Hein. Bah, quand il fait chaud, c'est pas énorme, mais quand il fait pas chaud, c'est beaucoup. Quand tu bois pas, t'as envie de dormir, c'est un truc de malade. Quoi. Ah ouais, toi, t'as envie de dormir, toi. Ouais. Non, moi, ça me et donne soif. Il y a un verre de vin aussi par jour, on peut le mettre dedans, peut-être. Non, mais alors voilà, c'est ça, 2 litres, litres d'eau. Attends, sous quelle forme ? Oui, alors après, je crois qu'il y a toutes sortes d'aménagements possibles, genre si tu manges des trucs qui contiennent plein de liquide, tout ça, ça compte aussi. Irène, toi, tu auras sans doute entendu la version anglo-saxonne qui dit qu'il faut boire 6 verres d'eau par jour. On ne dit pas 2 litres, on dit 6 verres d'eau. Outre-Manche. Ouais. Voilà, mais c'est la même question, en fait. On la challenge de la même manière. D'accord. Ah mais ouais. Donc sous la forme, parce que je veux dire, une bière, il y a plein d'eau dedans. Un concombre, il y a plein on d'eau. On a dit dedans. De l'eau. Ouais, c'est quasiment bière, que de l'eau. Non, mais la bière, ça marche pas en fait, parce que non. Tu bois 1 litre de bière, tu élimines 1,2 litre ou quelque chose comme ça. De... non, c'est vrai, ça, c'est un effet. Ouais, je sais. Ouais. Je donc, sais. Ça marche pas tellement. Du coup, tu dois boire beaucoup de bière. Et après, il y a des dommages collatéraux aussi. Mais le concombre, par exemple, c'est quand même que de la flotte, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc tu peux inclure ton concombre, ton stupide concombre dans mon melon, je peux aussi. C'est pas bon à boire. C'est pas très bon à boire, un concombre. En fait, ces discussions, ça me fait marrer. Je sais pas si vous connaissez la règle chez Amazon de dire une réunion doit être... une équipe doit être suffisamment petite pour qu'on puisse la nourrir avec 2 pizzas. Et dès que tu racontes ça à des ingénieurs, tout de suite, ils font « Non mais attends, tu parles comme type de pizza ?» Non, et en fait, t'as une BD de Dilbert qui est exactement comme ça, qui dit « Non mais tu parles quoi de pizza ?» Et puis moi, j'aime pas les pizzas, comment ça se passe en poulet rôti ? Et moi, je mange pas de gluten, alors on peut compter en pizza sans gluten et compagnie. Et finalement, le chef finit par dire « Arrêtez d'être des ingénieurs !» Il y a des fois, on se croit un peu dans la cour de récré du petit Nicolas. C'est ça. Voilà, ouais, voilà. La question, c'était il faut boire 2 litres d'eau par jour sous forme de concombre ou de n'importe quoi. Donc, pour participer au quiz, Il suffit de répondre par tous les moyens connus, Facebook, Twitter, le formulaire de contact, l'email. Vous nous trouvez partout sous Podcast Science. Le site web, c'est podcastscience.fm et l'adresse email, c'est podcastscience@gmail.com. Voilà, et rappelez-vous, c'est une tradition dans Podcast Science, on aime beaucoup les messages particuliers, originaux, donc n'hésitez pas à être innovant dans la manière de nous envoyer des messages aussi. Je ne sais pas si c'est encore possible d'être innovant, en fait, j'ai l'impression que... Avec ce qu'on a eu, la barre a été placée tellement haute. Tout a été fait, en fait. Sans braille. Ça c'est la stratégie Capitaine Haddock. T'es en train de dire aux auditeurs, même pas cap, de faire un truc qu'on n'a pas encore eu, quoi. C'est ça. Ouais. Je t'ai parlé de mon petit traité de la manipulation. Hein. on passe au pitch, du coup. Yay. Bah, la semaine prochaine, c'est moi qui entame la saison avec un dossier, quoi, un grand dossier, donc du coup qui sera en deux parties, sur le deep learning. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce terme. On a commencé à le voir, on le voit dans beaucoup de médias très généralistes. On a vu, Le Monde en a parlé, enfin, plein de journaux assez généralistes en ont parlé. En particulier parce que c'est ça qui fait que les machines rêvent. Vous avez pu voir des images un peu psychédéliques où il y avait des têtes de chiens qui apparaissaient, où on disait Google fait rêver ces machines. Et c'est basé sur des familles d'algorithmes qui s'appellent le machine learning, qui sont en fait des algorithmes qui sont capables d'apprendre et d'apprendre à résoudre des problèmes. Donc je vais vous raconter la semaine prochaine un peu comment ça fonctionne. Est-ce que c'est vraiment nouveau? Est-ce que c'est innovant? Pourquoi tout le monde s'excite là-dessus? Et ce qui est assez amusant avec cette arrivée du deep learning, un peu en parallèle, même si ce n'est pas forcément lié à cette technologie-là, il y a beaucoup de gens qui commencent à s'inquiéter de la possibilité d'une intelligence artificielle. On a des grands noms comme Elon Musk, comme Stephen Hawking, qui ont dit qu'il fallait faire un peu attention, que l'intelligence artificielle pouvait signer la fin de l'humanité. Donc j'ai un peu fouillé à voir si on pouvait dire des choses intelligentes et sans tomber dans la philosophie sur est-ce que vraiment on est proche d'un ordinateur qui devienne l'égal d'un humain. Et donc, en deuxième partie, j'essaierai de, sans tomber dans la philosophie, de voir un peu ce qu'on peut raconter de scientifique sur ce genre de questions. Voilà, ça s'annonce plutôt passionnant et j'espère bien ouvrir la saison en vous faisant vous poser plein de questions. Ouais, bah c'est méga cool. J'ai vraiment hâte d'entendre ça. Très chouette. Yep, ouais, surtout que c'est une question qui revient très souvent quand on parle des ordinateurs. Vu que j'ai tendance, dès que je parle d'un ordinateur au public, à dire que c'est un truc qui est complètement stupide, et j'ai de plus en plus souvent la question de « ouais, mais quand même... » Ouais, mais en fait, c'est hyper intéressant, et jusqu'à maintenant... C'est hyper intéressant parce que ça pose aussi la question de qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence pour nous, et qu'est-ce que ça veut dire être un humain aussi, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire, ouais. C'est hyper intéressant. C'est génial. Vrai. Donc voilà, donc j'ai fouillé des trucs, alors j'espère ne pas trop tomber dans la philosophie, on va voir, mais en tout cas je pense qu'il y aura plein de questions intéressantes soulevées et de choses intéressantes à dire, donc on va voir quoi. Du coup, à tout honneur, on passe à la côte et c'est Alan, en bon vieux dictateur, vieux con, qui n'a accepté qu'une côte de lui, choisie par lui, de Oliver Sacks. Donc Alan, on te laisse. Ouais, c'est ça, bah, je viens de tomber dessus dans son autobiographie. Du coup, je l'ai en anglais. Ok, donc ce n'est pas d'Oliver Sacks, hein, c'est de son éditeur lors de la première lecture du manuscrit de son premier livre qui s'appelait Migraine. Voilà ce que l'éditeur lui a répondu. The book is too easy to read. This will make people suspicious. Professionalize it. En français, on pourrait dire ce livre est trop facile à lire. Ça va rendre les gens trop suspicieux. Il faut le rendre plus professionnel. Et donc, voilà. Si je ne m'abuse, ça fait complètement écho à ce que tu racontais sur Big Bang Science, quoi. Exactement. sur ce préjugé qu'il faut que ce soit compliqué pour que ce soit pris au sérieux, ce qui n'est bien sûr pas du tout le cas. Heureusement, il a pas changé une ligne de son manuscrit. Il l'a publié comme ça. Et puis, Mais ce qui est marrant, c'est que c'est dans quel pays qu'on lui a fait cette remarque ? Alors, c'est au Royaume-Uni. Parce qu'au Royaume-Uni, il y a moins cette tradition de compliquer les livres de science, non ? Ou je dis n'importe quoi ? Dans mon expérience, ouais. Après, c'était à la fin des années 60. Alors peut-être que, il y a beaucoup de travail qui a été fait depuis. Mais quand tu lis ses livres, c'est vrai qu'il a une façon d'écrire qui est incroyablement simple pour décrire des choses qui peuvent être très compliquées d'un autre. Enfin, le livre, celui qui confond l'homme qui confondait sa femme avec son chapeau, ça parle de cas de neurologie qui sont très compliqués. Et lui, il a une façon très naïve presque de les présenter. Et du coup, ça peut être un peu déroutant. Hein. Ah, c'est vrai. J'ai pas encore lu Migraine, du coup, mais je vais le lire. Je suis sûr que c'est génial. Donc voilà. Du coup, on arrive sur la fin de l'émission. On va commencer par quelques plugs. D'abord, on vous rappelle, mais en fait, c'est même pas un plug parce que Alan en a déjà parlé. Donc, allez faire un tour sur bigbangscience.fr, au moins pour lire les articles que Alan écrit avec amour sur un livre qui s'appelle Marketing for Scientists, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Exactement. Et où tu as écrit le chapitre 2, un commentaire sur le chapitre 2 aujourd'hui, si je ne m'abuse. Ah, mais tu suis. Bah, écoute, quand même, je suis ton actualité, ça m'intéresse. C'est la classe. Je fais comme Robin, je ne lis pas le livre, je m'informe dessus. Bah, c'est un peu l'idée, en fait. Parce que c'est... Je pense que convaincre les scientifiques qu'ils ont besoin du marketing, c'est pas évident. Alors, leur demander d'emblée de lire le livre, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est pour ça que je suis en train d'en faire un résumé, chapitre par chapitre. Et puis, Ouais, puis c'est un exercice intéressant, le fait d'avoir chapitre par chapitre. Je sais pas si tu le fais au fur et à mesure de ta lecture ou si tu as déjà fini de le lire. Moi, je le fais au fur et à mesure de la lecture. J'espère qu'il finit pas mal. Ou... c'est ça. Non, mais ça peut être drôle que tu finisses. Moi, j'aime bien le côté temps réel, en fait. Alors, pour Big Bang Science, c'est peut-être pas génial, mais pour le côté narration, je trouve que c'est pas mal. Sinon, on avait un autre plug. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à la saison précédente, on avait parlé rapidement qu'on s'était inscrit au Pod Radio Awards. Il me semble qu'on en avait parlé en émission. C'est donc un concours qui était organisé par Pod Radio où on pouvait voter pour son podcast préféré. Et il y a eu les résultats la semaine dernière, si je ne m'abuse. Oui, c'était samedi soir. Donc, on est fiers de vous dire qu'on a été les premiers de la poule science. Ça, c'est la façon positive de raconter les choses. Intéressant, dans la poule science, il y avait un podcast québécois de science dont je n'avais jamais entendu parler, mais bien sûr, j'ai oublié le nom. Donc, je ne vais pas pouvoir vous en parler là. Mais donc, en tout cas, allez faire un tour sur les Pod Radio Awards. Il y a plein d'idées de podcasts assez intéressants. Bon, dans la poule science, à part ce podcast québécois, je ne me souviens plus trop ce qu'il y avait. Enfin bon, il y avait ce podcast québécois qui avait reçu quasiment autant de subvotes que nous. Donc, ça sera assez intéressant à aller écouter. Et sinon, ça, c'était la bonne nouvelle. Après, il y a eu des poules plus générales où là, on s'est fait écraser. On n'a pas été très bon. Mais c'est intéressant, ça peut vous donner plein d'idées de podcasts à écouter, donc allez faire un tour. En tout cas, on est tout content d'avoir gagné la poule science, quoi. Ça nous fait un nouveau trophée à mettre sur la cheminée, quand on aura la cheminée. Et ils remettaient ça après, je crois, 27 heures de podcast sans interruption. Elle est fou. Enfin, je crois qu'ils alternaient les équipes, hein, mais en tout cas, c'était un beau défi, quoi. Voilà. Sur ce, est-ce que d'autres personnes ont des choses à raconter ou est-ce qu'on conclut ? On peut conclure ? Non. Eh ben donc, on a dit qu'on faisait court, hein. Ouais, pour conclure, on est ravis de vous retrouver pour une sixième saison de folie. Donc cette semaine, c'était un peu une manière de redire bonjour, de reposer des bases, etc. La semaine prochaine, on repart sur des gros dossiers qui tâchent avec plein de réflexions, plein de sciences, etc. En tout cas, on est très content de vous retrouver. On a envie de vous entendre participer au quiz via le site internet, via SoundCloud si vous en avez envie, via des méthodes plus originales encore. Allez faire un tour aussi sur le Patreon, que ce soit pour contribuer ou pas. Ça peut vous amuser de lire la page et puis éventuellement contribuer, ça nous fera plaisir aussi. Voilà, on est aussi sur Twitter, sur Facebook, sur tout l'internet mondial. En tout cas, on se retrouve donc la semaine prochaine pour parler de Deep Learning. Et d'ici là, que servir la science soit votre joie. Ciao.